الله وبركاته. إن الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على دين كله ولو كره الكافرون، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وأصحابه، وعلى جميع الأنبياء والمرسلين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Avant de rentrer dans le vif du sujet, permettez-moi de remercier d'abord Allah, le maître de l'univers, qui a voulu que nous soyons là en ce moment et qui sait pourquoi il favorise une telle rencontre. Que ses bénédictions et sa grâce soient sur notre vénéré prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa alayhi, sur sa famille, ainsi que sur tout prophète véritablement envoyé par Dieu dans le but de tirer les humains des ténèbres spirituelles vers la lumière parfaite. Je voudrais également remercier l'association islamique Aïslam qui a fait tout ce qui était à son pouvoir, non seulement pour que cette conférence ait lieu par la grâce de Dieu, mais pour qu'Abdul Madid ne passe pas aussi inaperçu au Mali. Enfin, mes remerciements vont également à l'endroit de tous les frères et sœurs qui les ont peut-être moralement, financièrement et matériellement soutenus pour que cette conférence ait lieu. Que Dieu mette cela dans la balance de vos bonnes actions le jour où il n'y aura d'ombre que la sienne. Vous êtes sans le savoir que les chrétiens et les musulmans ont plusieurs points de concordance doctrinale, mais ils ont également des points de divergence, dont l'un d'entre eux, je dirais le plus épineux même, est celui de connaître l'identité exacte du Sauveur de toute l'humanité, c'est-à-dire du messager de Dieu par qui l'humanité tout entière sera sauvée. Et comme il vous a été signalé, comme l'a dit le modérateur, le thème que je me suis proposé de vous présenter dans le cadre de cette conférence, eh bien, il y a une série de thèmes. Peut-être que dans l'avenir, Inch'Allah, nous pourrions, n'est-ce pas, aborder d'autres thèmes. Il fallait déjà que je sois parti. Mais si je suis resté, c'est parce que les frères m'ont demandé de le faire pour que je puisse un peu rencontrer mes frères et sœurs musulmans et également des frères et sœurs chrétiens s'ils sont parmi nous. Donc le thème que je me suis proposé de vous présenter, c'est bien: l'humanité sera-t-elle sauvée par Jésus-Christ ou par Muhammad, Bible et Coran sur table? Cependant, je dois d'ores et déjà avouer que cette question, parce que là, vous l'avez compris, c'est cela le thème. C'est-à-dire, en d'autres termes, nous allons ensemble avec vous essayer de répondre objectivement à la question de savoir quel est le messager de Dieu ou qui de Jésus-Christ ou de Muhammad, paix de Dieu soit sur eux, et le messager de Dieu par qui l'humanité tout entière sera sauvée. Mais je voudrais d'ores et déjà avouer que cette question est à la fois difficile et facile. La question de savoir entre Jésus-Christ ou Muhammad, l'humanité sera-t-elle sauvée par Jésus ou par Muhammad, la question est à la fois difficile et facile. Premièrement, elle est difficile parce qu'en réponse à cette question, les chrétiens disent toujours que cet ultime messager de Dieu par qui l'humanité tout entière sera sauvée, c'est bien Jésus-Christ, la paix de Dieu soit sur lui. Partant, ils affirment inconsciemment que Jésus-Christ n'est qu'un messager de Dieu et non Dieu. Car Dieu ne pouvait pas venir sur la terre parler en nom d'un autre qu'il aurait envoyé comme l'a fait Jésus-Christ. De l'autre côté, les musulmans tirent également les drapes vers leur côté. Ils affirment que cet ultime messager de Dieu par qui l'humanité tout entière sera sauvée, c'est bien Muhammad, la paix de Dieu soit sur lui. Cette question a lamentablement divisé les chrétiens et les musulmans. Pas seulement les chrétiens et les musulmans, les juifs et les musulmans, les juifs et les chrétiens et les musulmans, et les musulmans et les juifs. Et cette division remonte historiquement à des siècles et des siècles, de sorte que les juifs continuent à aller à la synagogue, les chrétiens à l'église et les musulmans à la mosquée. Pourtant, ces trois peuples se réclament tous d'Abraham, le père des prophètes, le père des croyants, les centres de vertus humains et les champions des tawhid ou les champions de l'unicité de Dieu. Qui a raison et qui a tort? La question est posée. L'humanité sera-t-elle sauvée par Jésus-Christ ou par Muhammad? Le prophète Salomon, fils de David, paix de Dieu soit sur lui, nous dit dans Proverbes chapitre 18, verset 13, dans la Bible judéo-chrétienne, il nous dit: insensé est l'homme qui répond avant d'avoir écouté. En d'autres termes, celui qui répond avant d'avoir écouté fait acte de folie et s'attire la confusion. Proverbes chapitre 18, verset 13. Donc il ne sert à rien de manifester notre fanatisme en tirant les drapes de notre côté respectif. Que devons-nous faire maintenant? Rappelez-vous que je disais que cette question était à la fois difficile et facile. Et nous avons vu l'angle difficile de cette question. Mais là où la question s'avère être plus que facile, c'est lorsque nous nous rendons compte que personne d'entre nous ne peut être plus éloquent que Dieu, Jésus-Christ et Muhammad pour nous départager sur cette question. En d'autres termes, si nous tenons à répondre objectivement à la question que nous nous sommes posée dans le cadre de cette conférence débat, il va falloir que nous, il nous faudra justifier notre position respective sur base des propres propos de Dieu, de Jésus-Christ et de Muhammad contenus dans la Bible judéo-chrétienne ou encore dans le Coran et dans les traditions prophétiques. Pourquoi? Car il est dit, le premier point, le meilleur point de départ pour connaître quelqu'un consiste à l'interroger pour savoir ce qu'il dit de lui-même. C'est-à-dire, si Dieu avait envoyé Jésus-Christ et Muhammad, si celui qui les avait choisis, inspirés, puis envoyés, il est mieux placé que quiconque pour savoir vers qui il les avait envoyés. Et si Jésus-Christ et Muhammad ont tous les deux parlé au nom de Dieu, ils sont mieux placés que quiconque dans cette salle pour nous indiquer le champ de leur mission. La mission est-elle universelle ou non? Vous comprenez que la question devient plus que facile. Cela étant, donc je demanderai aux uns, aux autres, aux musulmans et aux chrétiens s'ils sont avec nous dans la salle, de bien vouloir polir le miroir de leur cœur de la poussière des préjugés et du fanatisme sectaire et d'adopter plutôt l'attitude des juifs des bérets dont il est question dans Actes des Apôtres chapitre 17 verset 11, je cite bien sûr la Bible. Lesquels juifs des bérets, nous dit la Bible, vérifiaient simplement les écritures pour voir si ce qu'on leur disait était vrai ou faux. Car nous exploiterons seulement les propos de Dieu, les propos de Jésus-Christ et les propos de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam pour nous départager sur cette question. Sans plus tarder, je vous annonce que le parcours de mon exposé s'ouvrira d'abord. Le premier point de mon exposé, donc je vais ouvrir mon exposé par ces points. Le premier point, c'est, je commencerai par rendre justice, ou je me dois de rendre brièvement justice au sujet des trois différentes images de Jésus-Christ. D'abord, je vais commencer par ce point. C'est-à-dire rendre brièvement justice au sujet des trois différentes images de Jésus-Christ, à savoir celle des Juifs, celle des chrétiens et aussi celle des musulmans. Vous savez comme moi que les juifs, les chrétiens, les musulmans parlent tous de Jésus. Mais malheureusement, ils parlent de trois différentes manières. Nous le verrons, Inch'Allah. Et juste après, nous passerons au concept définitionnel du terme « le sauveur de toute l'humanité ». Parce qu'il faudrait bien qu'on s'attende également sur ce point. Ensuite, nous parachuterons sur les critères que ce sauveur de toute l'humanité doit réunir ou remplir pour qu'il soit reconnu en tant que tel. Parce qu'il ne suffit pas seulement de dire que Jésus-Christ est le sauveur de toute l'humanité, ou encore que Muhammad serait le sauveur de toute l'humanité, lorsqu'il n'a pas réuni en lui les critères ou des critères qui feront qu'il soit reconnu en tant que tel. Parce qu'il y a des critères. Et ces critères seront tirés de l'esprit téléologique de l'axiome de la révélation divine. C'est-à-dire ces critères ne sont nullement en contradiction avec l'esprit téléologique de toute la révélation divine. Et enfin, nous tirerons notre conclusion qui nous amènera à savoir lequel de Jésus-Christ ou de Muhammad est le messager dédié à l'humanité tout entière. En d'autres termes, c'est par lui que l'humanité tout entière sera sauvée, que nous le voulions ou pas. Je pense que je me suis fait comprendre. Et moi, je pense que toute personne en possession de ses facultés mentales ou toute personne avertie, présente dans cette salle, comprendra aussitôt après mon introduction que mon but, ce n'est nullement de chercher à blesser les sentiments de quiconque et moins encore de fausser sa foi. Le but de mon intervention est simplement d'aider le musulman et les chrétiens à trouver un terrain d'attente qui leur permettra d'avoir une idée aussi claire que possible sur le caractère universel ou non de la mission de l'un de ces deux plus grands messagers de Dieu. J'ai cité Jésus-Christ ou Muhammad, la paix de Dieu soit sur eux. Et nous savons que nous avons des défis à relever à notre temps, beaucoup de défis, nous les musulmans. Parce que franchement, ces jours-ci, il ne suffit pas du tout de dire que nous sommes musulmans, ou encore de dire « je suis musulman ». Encore faudra-t-il connaître l'islam. Et après avoir connu l'islam, il faut chercher à devenir une incarnation pratique des vraies valeurs spirituelles et morales prônées par, ou exprimées dans le Coran et expliquées pratiquement dans la Sunna du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et après cela, nous devons œuvrer ou nous devons chercher à transmettre le message de l'islam à ceux qui ne l'ont pas encore entendu ou écouté. Et enfin, nous devons apprendre à défendre l'islam partout où il a besoin de nous. Parce qu'aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle Shubuhat. Les ennemis de l'islam ont ouvert une nouvelle porte qui consiste à utiliser des versets du Saint-Coran et des traditions prophétiques hors de leur contexte respectif pour essayer d'attirer le musulman non averti dans les mailles de leur filet. Les ignorants parmi nous, bien sûr. Et ces Shubuhat sont présentement au Mali même. Il y a aujourd'hui des centres islamophobes au Mali qui œuvrent dans le but d'attirer les musulmans dans les mailles de leur filet. Et beaucoup de mes frères maliens n'en ont jamais entendu parler. Il aurait fallu qu'Abdulmadjid soit de passage à Bamako par la grâce de Dieu pour que les Maliens découvrent qu'il y a un centre qui œuvre ici, qui travaille pour faire sortir les musulmans de leur religion. Cela va de même pour la Côte d'Ivoire. Quand j'ai visité la Côte d'Ivoire en 2001, c'est juste une parenthèse, j'ai été visiter une librairie chrétienne ou un centre chrétien qu'on appelle Centre de documentation missionnaire. Et le responsable, c'est un blanc qui s'appelle Victor Bisset. C'est un islamophobe qui a écrit pas mal de livres contre l'islam et contre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Je suis rentré donc dans la partie librairie de ce centre et Dieu a voulu que je tombe sur des ouvrages, des petites brochures que nos frères chrétiens publient annuellement et notamment pendant le mois de Ramadan. Et la brochure s'intitule 30 jours de prière pour le monde musulman. Mais dans cette brochure, il y a des stratégies qui sont arrêtées pour l'évangélisation des musulmans. Et qu'est-ce que j'ai trouvé dans cette brochure? Je pense que vous, si vous demandez les Ivoiriens, ils vous en donneront des nouvelles, quoi. Parce que la brochure a été publiée sur les lignes de beaucoup de journaux en Côte d'Ivoire. Et il y a même le frère de Ouattara qui a quitté sa région pour venir en parler à l'Assemblée nationale. Ça a causé des problèmes sérieux en Côte d'Ivoire. Mais moi, j'ai découvert cette brochure où on appelait à la destruction des mosquées, ou si possible, si ce n'est pas possible de les détruire, à la transformation des mosquées à des églises. La brochure, je l'ai même avec moi. Malheureusement, je l'ai oublié. Je l'ai ici avec moi, à Bamako, ici. Je l'ai avec moi. Je l'ai oublié, malheureusement. J'allais vous lire la partie concernée, quoi. C'était plus qu'horrible. Parce que ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, en réalité, c'était une démarche visant à... C'était une épuration religieuse que les gens cherchaient. Mais la plupart des gens ne le savaient pas. Alors, ils ont demandé à planter la croix du Christ partout où il y a les musulmans. Mais moi personnellement, ça ne m'inquiète pas. Parce que même quand j'étais en Égypte, j'ai suivi un prêtre égyptien, c'est celui qui a ouvert la porte de Shubahat, qui utilise des versets du Saint-Coran contre les musulmans. Un prêtre qui s'appelle Zakaria Boutros. C'est un petit bébé spirituel perdu dans les grands déserts de l'ignorance. Donc, quand j'ai discuté avec mes professeurs en religion comparée, un jour je leur avais dit que, personnellement, j'aimais ce que les prêtres faisaient contre l'islam. Mes professeurs étaient surpris. Je leur avais dit que moi, j'aimais ce que les prêtres étaient en train de faire contre l'islam. J'aime ça. Ils me disent, mais comment... D'ailleurs, ils ne m'ont pas compris au départ. Ils m'ont dit, mais comment toi, tu peux aimer quelqu'un qui attaque l'islam, qui insulte les prophètes? Je leur avais fait savoir que non, je n'aimais pas la personne, mais j'aimais plutôt l'œuvre de la personne. Je voudrais que cette personne continue sa mission, qu'il attaque l'islam, qu'il insulte les prophètes, qu'il insulte les musulmans. J'ai dit, moi, j'aime ça. Mes professeurs m'ont dit, mais comment tu aimes ça? J'ai dit, oui. « L'anani a'arifu min asrari intishari l'islam huwa muhajamatu ala l'islam. » Allah subhanahu wa ta'ala yaqulu fil Qur'an « Yuriduna litfi'u nurallahi bi afwahihim » Wallahu mutimmu nurihi walau kariha al-kafirun. Je leur avais dit, moi j'aime ce que ce prêtre est en train de faire contre l'islam. Quand il insulte les musulmans, il insulte les prophètes, il raconte des bobards sur l'islam. J'aime ça. Parce que les attaques contre l'islam font partie des secrets que Allah lui-même a établis dans le Coran pour que ces attaques deviennent des moyens pour faire convertir les gens dans l'islam. C'est pourquoi Dieu dit dans le Coran, yuriduna liyutfi'u nurallahi bi afwahihim wallahu mutimmu nurihi walau kariha al-kafirun. Ils veulent éteindre la vérité de Dieu par le souffle de leur bouche, par les mensonges et les bobards qui sortent de leur bouche et qu'ils propagent sur le Coran, sur l'islam et sur les musulmans. Mais Dieu fera une contre-attaque dans leur propre attaque et confirmera la véracité de l'islam, n'en déplaise aux mécréants. Donc j'aime ça. Quand les professeurs m'ont regardé, l'un d'eux est venu, il m'a fait un bisou ici. Vous savez, les Arabes, des fois, ils font un bisou au milieu de visage. Il m'a fait un bisou ici. Il était très content. J'ai dit, c'est comme si le verset n'existait pas dans le Coran. Pourtant, le verset était là. Le problème n'est pas celui des ennemis de l'islam. Le problème est plutôt celui des musulmans eux-mêmes. Celui des musulmans eux-mêmes. Qui se contente de dire que je suis musulman, ou je m'appelle Abdoulaye, ou je m'appelle Abdulmajid, ou je m'appelle je ne sais pas qui, les noms musulmans, et je laisse pousser ma barbe, je porte une soutane, ça suffit. On ne travaille pas. On ne fait pas la dawa et la darajatil matlouba. Hazi al-mushkila. Mais c'est seulement si nous respections nos engagements et que nous prenions en charge l'islam, il n'y aura plus de problème. Et tout cela ne sera possible que lorsque nous ferons un premier pas, et le premier pas, c'est l'information, la formation et l'éducation. C'était juste une parenthèse. Donc je disais, je suis rentré dans cette librairie, donc j'ai trouvé ces brochures, et Dieu a voulu qu'avant que je ne rentre dans cette, pénètre dans cette librairie, le blanc en question s'est déplacé. Parce qu'il est juste écrit à la page qui faisait face à leur stratégie machiavélique contre l'islam, il était écrit ceci, il est strictement interdit, formellement interdit de faire voir ses livrets aux musulmans. Et également, il est interdit également de leur vendre ses livrets. Donc, mais Allah a voulu que les blancs se déplacent, et moi je suis rentré, et j'ai trouvé que tous ceux qui travaillaient dans la librairie, c'était des frères aveugles qui ne voyaient pas. Mais ils travaillaient la cartographie, ils faisaient la cartographie, parce que là, c'est là aussi. C'était des aveugles, mais ils travaillaient. Hein. Ils mangent à la sueur de leur front. Ils font des livres. Cartographie, ils arrangent. Pourtant, ce sont des aveugles. Ils travaillent. Alors, j'ai pris au moins 10 exemplaires. Et je l'ai présenté à l'un d'eux, qui m'a demandé à connaître le titre de la brochure. J'ai donné un autre titre. Mais je paye la valeur de la brochure. Vous m'avez compris? J'ai donné un autre titre parce que je savais qu'il était écrit, il est formellement interdit de le faire voir aux musulmans, et moins encore de leur vendre ses livres. Donc, par peur qu'on m'arrache ces brochures, j'ai cité un autre titre, mais j'ai payé. Je lui avais donné la valeur, l'argent qui convenait. C'était la valeur de la brochure, des 10 brochures en question. Et puis j'ai dispatché cela à l'imam Koudous, l'imam Samassi et d'autres imams en Côte d'Ivoire, Inch'Allah Ta'ala. Donc bref, nous fermons la parenthèse, donc nous revenons au premier point. Je disais que le parcours de mon exposé s'ouvrira par le premier point qui est rendre brièvement justice au sujet des 3 différentes images de Jésus-Christ, à savoir celle des juifs, celle des chrétiens et celle de musulmans. J'ai jugé bon de commencer par rendre justice à ces 3 différentes images, car comme je l'ai dit, les juifs, les musulmans et les chrétiens parlent tous de Jésus-Christ, mais malheureusement de 3 différentes manières. D'abord, pour les juifs, Jésus-Christ n'était qu'un être humain semblable au commun des mortels. Il ne croit pas à sa naissance miraculeuse. Les juifs, ils ne croient pas du tout à la naissance miraculeuse de Jésus-Christ. Ils disent même que c'est un fils de bâtard. Astaghfirullah et Allahu Azim. C'est pas moi qui le dis, ce sont les juifs. Ils disent que Jésus-Christ est un fils de bâtard. C'est-à-dire que sa mère Marie se serait prostituée pour l'avoir. Voilà ce que disent les juifs. Et par 2 fois, le Coran fait allusion à cette calomnie grave contre Marie lorsqu'il nous dit dans la sourate 4, sourate Nisa, je pense au verset 156, Dieu dit wa bi kufrihim wa qawlihim ala Maryam buhtanan aziman. Dieu dit, les juifs ont provoqué la colère de Dieu à cause de leur incroyance et aussi à cause de leur calomnie contre Marie. Et cette calomnie consistait à dire que Marie se serait prostituée pour avoir Jésus-Christ. C'est ce que disent les juifs. Et dans un autre verset du Coran, il est également fait mention de cette calomnie dans la sourate Maryam, je pense au verset 28. Notre frère l'avait, quand il a lu le Coran, il a cité ce passage. Le verset qui dit, les juifs s'adressant à Marie lorsqu'elle leur avait présenté l'enfant Jésus, paix de Dieu soit sur lui, ils lui ont dit, Ya ukhta Haroun, ma kana abuki mra'a saw'in wa ma kanat ummuki baghiya. Oh sœur d'Aaron, ça veut dire oh descendante d'Aaron. Parce qu'il y a des erreurs qui sont commises aussi parfois par les musulmans ici. Ô sœur d'Aaron veut dire ô descendante d'Aaron. Parce que Marie, la mère de Jésus-Christ, la paix de Dieu soit sur eux, était descendante d'Aaron de la tribu de Lévi. Donc Jésus-Christ, la paix de Dieu soit sur lui, était également un descendant d'Aaron de la tribu de Lévi. Mais pour nos frères chrétiens, Jésus-Christ est un descendant de David de la tribu de Juda. C'est ce que disent les chrétiens. Dieu dans les cinq Corans nous dit que Jésus-Christ était descendant d'Aaron de la tribu de Lévi, c'est-à-dire de la famille d'Imran. Mais les chrétiens affirment que Jésus-Christ serait plutôt le descendant de David de la tribu de Juda. Vous savez qu'il y a 12 tribus d'Israël. Parmi ces tribus, il y a la tribu de Juda et également la tribu de Lévi. De la tribu de Lévi sortent les sacrificateurs, c'est-à-dire les grands chefs ou les grands chefs chez les juifs. Alors les chrétiens, ils disent que non, Jésus est de la descendance de la tribu de Juda. Mais le Coran nous dit non, il est plutôt de la tribu de Lévi. Pourquoi? Parce que Marie, la mère de Jésus-Christ, n'a jamais été descendante de David. C'est-à-dire, elle n'a jamais été de la tribu de Juda, mais plutôt de la tribu de Lévi, la tribu des sacrificateurs. Alors, si Jésus-Christ n'avait aucun lien du sang avec un homme, c'est-à-dire si sa mère l'avait eu sans l'intervention du gamète mâle, il est donc logique que Jésus-Christ soit de la tribu de Lévi et non de la tribu de Juda, parce que sa mère n'a jamais été connue par un homme qui lui aurait donné Jésus-Christ pour que ce dernier soit de la tribu de cet homme. Il n'a aucun lien du sang avec un homme. Il est né miraculeusement sans père. Donc il est de la tribu de Lévi, comme le dit le Coran, de la famille d'Imran. Et beaucoup de savants chrétiens de nos jours ont confirmé ce que dit le Coran. Aujourd'hui, il y a une nouvelle Bible qui a été éditée par les chrétiens qui s'appelle la Bible de confession chrétienne. Dans une note explicative sur un passage de l'évangile de Matthieu, les chrétiens nous disent, ils reconnaissent que Marie était de la descendance de Lévi. Donc si Marie est de la descendance de Lévi et que son fils est né sans père et avait une mère, il doit hériter la tribu de sa mère. Donc le Coran a corrigé la Bible sur ce point. Et donc ici, les Juifs s'adressant à Marie l'appellent Ya Ukhta Haroun, ô sœur d'Aaron. Ce n'est pas comme disent certaines personnes que Marie avait un frère qui s'appelait Aaron, non. Le prophète l'avait lui-même expliqué dans les hadiths. C'est-à-dire, elle appartenait à la lignée d'Aaron. Elle était aussi pieuse comme Aaron a été pieux. Mais elle était de la lignée d'Aaron. Vous vous rappellerez une fois, lorsque certaines épouses du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam se sont mises à se moquer d'une épouse juive que le prophète avait épousée, n'est-ce pas? Elle lui disait, juive, fille de juive, ainsi de suite. Vous savez les histoires des femmes. Elle est partie se plaindre auprès du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète lui a dit, mais si elle te disait ça, dis-leur que mon père est Moïse, mon oncle est Aaron, et mon mari est Mohammed. Mais est-ce que Moïse était son père direct? Non. Est-ce qu'Aaron était son oncle direct? Non, mais Mohammed était son mari direct. Mais mon père est Moïse, Aaron est mon oncle, parce que Moïse et Aaron étaient des frères. Et ils étaient tous les deux de la tribu de Lévi. Ils étaient la tribu de Lévi. Donc Marie descendait de la tribu de Lévi. Et la femme juive du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam descendait de la tribu de Lévi, c'est-à-dire de la tribu des grands chouchs, des grands connaisseurs du judaïsme. Et c'est de cette tribu que Dieu a choisi pour son messager une femme juive. Donc là, les juifs disent à Marie, ô sœur d'Aaron, comment as-tu pu faire cela? Ton père n'a jamais été un homme corrompu, ni ta mère une femme débauchée. Nous connaissons la suite, que Marie avait demandé aux juifs de questionner qui? L'enfant. Et c'était le premier miracle de Jésus-Christ selon le Coran. Mais selon la Bible, le premier miracle de Jésus, c'est qu'il a transformé l'eau en vin, n'est-ce pas? Et il a servi aux gens pour qu'ils se saoulent. Vous comprenez? Mais le premier miracle de Jésus selon le Coran, c'est qu'il a parlé alors qu'il était encore bébé. Et que cela ne nous étonne pas si Dieu a fait parler un bébé. Parce que dans la Bible, Dieu a fait parler un animal. Nous y reviendrons, Inch'Allah. Donc ces deux passages du Saint-Coran font allusion à la calomnie grave, la calomnie grave des Juifs contre Marie. Les Juifs qui accusaient injustement Marie d'avoir été coupable de fornication. Et que dans sa fornication, elle aurait eu qui ? Jésus-Christ. Et vous pouvez vérifier cela dans les livres des Juifs jusqu'à nos jours. Ça existe. Il y a un livre des Juifs intitulé, appelé l'Évangile du ghetto. Et puis il y a aussi un autre livre appelé le Talmud de Jérusalem. C'est un grand commentaire de la Bible chez les Juifs. Ça, c'est le Talmud oral. Les propos des grands rabbins, grands chouyours ont été réunis dans ce livre qui explique la Torah. Alors, dans ces deux livres, l'Évangile du ghetto des Juifs, écrit par les Juifs, et puis le Talmud de Jérusalem, livre de base du judaïsme, Jésus-Christ est respectivement présenté dans ces livres comme étant un fils de bâtard. Vous comprenez? Et dans un autre livre juif appelé Toledat Yeshua, c'est-à-dire la conception de Jésus-Christ, Jésus-Christ est qualifié de Ben Stada. Ben Stada en hébreu veut dire le fils de la prostituée. C'est comme ça qu'ils appellent Jésus. Et le Coran confirme cela. Voilà comment ils traitent les Messie. Et les Juifs ajoutent, parce qu'ils ne croient pas en Jésus comme étant leur Messie, ils continuent à attendre leur Messie jusqu'à ce jour. Les Juifs continuent à attendre leur Messie jusqu'à ce jour. Ils ont eu dans l'histoire de leur histoire un Messie, un pseudo-Messie qui s'appelait Tsabatabai Levi. Il s'appelait Tsabatabai Tsevi qui s'est dit Messie. Mais à l'époque, il s'est dit Messie, il a drainé beaucoup de Juifs, mais lorsqu'il a rencontré des musulmans, il s'est converti en islam. Mais aujourd'hui, les Juifs continuent à attendre leur Messie. Et s'ils continuent à attendre leur Messie, ça veut dire que chez les Juifs, Jésus-Christ fut un imposteur. Et les Juifs disent, nous avons confirmé l'imposture de Jésus-Christ en le tuant sur la croix. Conformément à la loi de Deutéronome 21, 22, 23, qui demande à crucifier toute personne qui prétend avoir été envoyée par Dieu, alors que Dieu ne l'avait pas envoyé. Donc les Juifs disent, ils ont tué Jésus. Mais nous en islam, nous disons non. وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَا فِي شَكٍّ مِّنْهُ مَا لَهُ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ ظَنٍّ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا بَلْ رَفَعَ اللَّهُ إِلَيْهِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا. Mais les Juifs disent, ils l'ont tué sur la croix. Et vous savez, selon la loi de Deutéronome 21, 22, 23, sur laquelle les Juifs se sont appuyés pour tuer Jésus, selon eux, cette loi nous dit, toute personne qui meurt sur un poteau ou sur une croix est maudite par Dieu. Et toute personne maudite par Dieu ira tout droit en enfer. Donc au moment où nous parlons, pour les Juifs, Jésus-Christ est en enfer, en train de subir les conséquences de son imposture. L'un des grands savants juifs qu'on appelle Rabbi Nachmanide, il confirme cela dans son livre. Il dit Jésus-Christ est en enfer. Le Rabbi Nachmanide, c'est un grand érudit juif né à Barcelone vers 1194. Son véritable nom, c'est Rabbi Moshe Nachman. Et il est connu sous le sigle de Ramban, qu'il ne faut pas confondre avec Rambam Maïmonide, parce qu'il y a un autre savant qu'on appelle Rambam. Il faut avoir étudié le judaïsme pour connaître ces choses-là. Alors bref, pour les Juifs, Jésus-Christ est un maudit. Il est en enfer. Maintenant, pour les chrétiens, ça c'est la première image, celle des Juifs. Maintenant, l'image de Jésus-Christ chez les chrétiens, c'est que les chrétiens sont lamentablement divisés sur la personne de Jésus-Christ. Je ne voudrais pas dire ici vachement. Je préfère dire ils sont lamentablement divisés sur la personne de Jésus. Ici au Mali, vous n'avez rien ici. Vous ne connaissez rien comme le christianisme. D'ailleurs, tous vos pasteurs ici viennent du Congo. Vous allez voir dans peu de temps ici, il y aura beaucoup de pasteurs ici qui viennent de chez nous. Parce que chez nous, nous sommes le Congo, c'est un pays de plus de 70 millions d'habitants, avec 75% des chrétiens. est presque 8% des musulmans. Mais la grande majorité musulmane vit à l'est parce que l'islam est rentré par l'est, par les Arabes qui sont venus vers la fin du XVIIe siècle. Ils sont venus des sultanats Oman, Mascate Oman, et ont fait pénétrer l'islam en RDC. Et moi-même, je suis descendant de ces Arabes, c'est-à-dire je suis le petit-fils de ces Arabes. C'est ma mère qui est congolaise. Et je n'ai jamais été chrétien comme pas certaines personnes, mais j'ai étudié dans des écoles chrétiennes. Je n'ai jamais été chrétien. Mais mon grand-parent était un arabe 100% de la tribu Al-Kinda, une tribu qui était connue jusqu'à l'époque du prophète Mohammed Sallam et qui prétendait même que les prophètes étaient de la tribu d'Al-Kinda, mais c'était faux. Donc je suis descendant de ces Arabes, donc je m'appelle, mon nom congolais c'est Kassogbia, mon nom musulman Abdul Majid, et mon nom arabe Abdul Majid ibn Farid ibn Abdallah ibn Abdurrahman ibn Muhammad ibn Ahmad Al-Kindi. Mais ma mère est congolaise. Alors les Arabes ont fait pénétrer l'islam en RDC vers la fin du XVIIe siècle, et les Ouest Africains sont venus, ont fait pénétrer l'islam vers 18e, 19e siècle en RDC, à l'ouest de la RDC. Il y a eu des Ouest Africains venus de Sénégal, Mali et d'autres pays qui étaient partis construire les chemins de fer, les rails, de Matadi à Kinshasa. Et ce sont eux qui ont fait pénétrer l'islam au Congo, à l'ouest, vers l'ouest. Et la quasi-totalité des mosquées en RDC ont été construites par les Ouest-Africains, par vos parents, vos grands-parents. Que Dieu mette cela dans la balance de leurs bonnes actions. Amen. Et qu'il leur fasse cela au dernier jour, Inch'Allah ta'ala, parce qu'ils ont aidé à faire connaître le message de l'islam. Ils sont commerçants, mais dans leur commerce, ils ont transmis le message de l'islam par la grâce de Dieu. Donc, le pays a plus de 70 millions d'habitants, 75% des chrétiens. À Kinshasa seulement, la capitale de la RDC, nous avons plus de 10 000 groupes de prières chrétiennes. 10 000 groupes de prières chrétiennes. C'est-à-dire qu'il y a des avenues à Kinshasa, là où il y a 80 petites églises chrétiennes sur une seule rue. Plus de 10 000 groupes de prières chrétiennes et plus de 2177 bâtiments des églises traditionnelles, c'est-à-dire catholiques, protestants, kimbanguistes, témoins de Jéhovah et consorts. Et à Kinshasa seulement, nous avons 16 chaînes de télévision chrétiennes et nous avons 17 chaînes de radio chrétiennes. Et dans cet océan médiatique, les musulmans n'ont absolument rien. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Vous comprenez? Et cela sans compter les chaînes profanes, hein? Parce que toute personne qui a été à Kinshasa a remarqué que dans la capitale seulement, comme à Bamako ici, nous avons au moins 55 chaînes de télévision et de radio, dont 16 télévisions chrétiennes et 17 radios chrétiennes. Les autres, ce sont des chaînes de radio et de télévision profanes, non chrétiennes, mais les responsables de ces chaînes sont des chrétiens. Ce qui fait que chaque semaine, donc il y a au moins 20 émissions chrétiennes qui passent hebdomadairement sur ces chaînes-là, chacune de ces chaînes-là. Mais malgré cela, les gens ne cessent de se convertir en islam. Malgré cela. Donc, ici, il n'y a pas d'église. Vous avez quelques-unes seulement catholiques, protestantes, c'est pas évangélique, témoins de Jéhovah. Chez nous, c'est nous qui fabriquons les églises. Nous. Si vous n'avez rien ici. Donc je pourrais vous parler d'autres paramètres du christianisme, vous n'aurez aucune idée dessus. Parce que vous ne connaissez pas tout ça. Vous n'avez que quelques grandes églises traditionnelles. Quoi. Je suis arrivé au sud de Tchad, j'ai été donné une conférence à Sar avant d'aller en Égypte. Au sud de Tchad, il y a beaucoup de chrétiens là-bas. Il y avait un chrétien, un pasteur, qui est de l'église mouniste. L'église mouniste, c'est une église fondée par un pseudo-prophète sud-coréen. Il s'appelle Samyan Moon. Il est également le responsable d'un journal, un journal américain, New York Times. C'est lui le responsable. Donc, le pasteur était là en train de déranger les musulmans. Les frères au Tchad se sont décidés de m'inviter. Et le pasteur a dit: si Abdul Majid Touche arrive ici au Tchad, il s'est converti au christianisme. Donc je suis parti, arrivé là-bas à Sarre, au sud de Tchad. Les premiers jours, on m'a présenté à la mosquée, devant mes frères. Et on est parti appeler les pasteurs pour dire, non, Moalim est arrivé. Il faut venir pour vous saluer, quoi. Donc le pasteur est venu pour me saluer, il faut faire connaissance. Et dans mon introduction, mon mot de circonstance, quoi. C'était l'après. Mon mot de circonstance, le débat c'est un autre jour. Mon mot de circonstance, j'ai demandé est-ce que le pasteur est déjà dans la salle. On me dit non, il est dans la salle. J'ai fait une petite introduction seulement, qui était une introduction ciblée. J'ai fait cette introduction, j'ai parlé, 15 minutes, c'est fini. On m'a indiqué le pasteur, je suis allé le voir. Moi je me suis déplacé par honneur pour lui, par respect pour lui. Je suis arrivé, je l'ai salué. Le pasteur est resté silencieux. J'ai dit, pasteur, qu'est-ce qui ne va pas? Il me dit, c'est vous, Abdelmadjid? Je lui dis, en chair et en os, c'est en couleur. Ce n'est même pas noir et blanc. En couleur. Le pasteur me dit, j'ai écouté, je deviens musulman. Il n'y a pas eu débat. Le pasteur me dit, j'ai écouté, je deviens musulman. Il avait une grande concession. Il a tout laissé. On a envoyé des blancs de l'Europe pour venir lui demander de retourner. Le pasteur a dit, il s'agit de sauver mon âme et non pas mes intérêts matériels. Il s'est converti en islam. L'association des musulmans d'Afrique, Koweït, l'a pris, l'a installé quelque part et Moumounta dans l'islam est venu le récupérer pour l'envoyer au Soudan. Il est parti étudier au Soudan. Il a fini même ses études islamiques au Soudan. Il a écrit même des livres sur l'islam et sur le christianisme. Et là-bas également, j'ai trouvé deux de mes frères pasteurs, congolais, qui étaient là-bas, ça faisait plus de 8 ans qu'ils étaient là-bas en train d'enseigner la Bible aux chrétiens. Des intellectuels tout faits. J'ai exposé sur un thème. Après la conférence, l'un d'eux est venu me voir à la maison pour me saluer. Il s'appelle Odilon Lutumba. Je lui dis, vous avez des questions à me poser? Il me dit non. J'ai suivi la conférence et je suis venu me convertir. Il me dit, non, j'ai passé 8 ans ici en train d'enseigner la Bible, mais j'ai trouvé que ça ne vaut pas la peine. Nous devons suivre la voie qui nous a été apportée par tous les messagers de Dieu. Donc il est devenu musulman et un bon musulman. Il s'appelle présentement Moussa Lutumba et lui aussi a écrit des livres sur le christianisme. Il est présentement à Kinshasa et il travaille à la PAM. Donc bref, les chrétiens sont lamentablement divisés sur la personne de Jésus. Car il y a un groupe de chrétiens qui croient que Jésus-Christ est Dieu. Qui croient que Jésus-Christ est à la fois Dieu et fils de Dieu. Mais ce groupe ne croit à aucune des deux formes de la Sainte Trinité. Parce qu'il y a deux formes de Sainte Trinité dans le christianisme. Il y a la Trinité catholico-protestante et la Trinité sabellianiste. La Trinité catholico-protestante, Adam a vu qu'il a fait le Coran. Le Coran a parlé. La Sainte a salouf fait le Coran. Laqad kafara alladhina qalu inna Allah salifu falatha. Donc il y a une trinité catholico-protestante qui croit que le Père est Dieu, le Fils est Dieu, le Saint-Esprit est Dieu, mais bien que ces trois personnes soient distinctes l'une des autres, il n'y a cependant pas trois dieux, mais un seul Dieu. Et c'est un mystère, disent-ils, que personne ne peut comprendre. Donc il y a un autre groupe encore, il y a un autre groupe qui a une autre forme de trinité. Ce groupe ne croit pas qu'il y a trois personnes en Dieu, mais ce groupe croit plutôt qu'il y aurait une seule personne, Jésus-Christ lui-même, qui aurait été le Père quand il était au ciel. Il est devenu fils quand il a pris chair pour venir sauver l'humanité par sa mort sur la croix. Et il est redevenu sous la forme du Saint-Esprit le jour de Pentecôte après son départ. Donc le premier groupe croit que Jésus est à la fois Dieu et fils de Dieu. Il ne croit pas à la Sainte Trinité. Et il ne croit pas aussi que Marie soit la mère de Dieu. Parce que les catholiques disent de Marie qu'elle est la mère de Dieu. Et cette doctrine est appelée la théotokos. C'est-à-dire Marie, la mère de Dieu. Et lorsqu'on étudiait chez les catholiques, il y avait cette prière. Mère Marie, mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs. La mère de Dieu. Vous comprenez ça? C'est pourquoi je profite de cette occasion pour vous rappeler une chose. Tout musulman qui fête la fête de Noël ici au Mali, il commet le shirk. Tout musulman qui fête la fête de la Saint-Sylvestre, Ras Hanouna, Bonana, 31 décembre au 1er janvier, il commet le shirk. Parce que vous ne connaissez pas l'origine de ces fêtes. Pourquoi ne pas promouvoir vos fêtes? Vous savez, est-ce que vous connaissez l'origine de cette fête? La Noël pour les chrétiens, c'est une parenthèse, pour vous informer. Les chrétiens disent que Jésus serait né un 25 décembre. Mais en réalité, Jésus n'était pas né un 25 décembre. Et les savants chrétiens le savent. Mais ils ont plutôt adopté la date de la nativité du dieu Misra, ou de dieu Misra, le dieu soleil, qui était adoré par les Perses et dont les Romains avaient adopté le culte. Il est né le 25 décembre. Donc la fête de Noël pour les chrétiens veut dire le jour où Dieu est venu, est né d'une femme. Il est venu sur la terre sous forme humaine pour nous sauver. Vous comprenez cela? C'est pourquoi quand on était même dans des écoles chrétiennes, on nous imposait ces chants-ci, cette cantique. Il est né le divin enfant. On chantait ça à l'école. Parce que ce sont les chrétiens qui possédaient les bonnes écoles. Donc la Noël, pour les chrétiens, c'est le jour où Dieu est venu sur la terre sous forme humaine. Il est né d'une femme à la personne de Marie. Et il est venu sur la terre sous forme humaine à la personne de Jésus. Donc Jésus est homme et Dieu. C'est-à-dire, quand toi tu fêtes, tu participes à cette fête, tu commémores, tu célèbres cette fête, tu veux dire en réalité que Dieu a menti lorsqu'il a dit Lam yalid wa lam yulad. C'est-à-dire, pour toi, tu es d'accord avec ces gens-là pour dire que oui, effectivement, Dieu est venu sur la terre sous forme humaine, il est né d'une femme à la personne de Marie. Donc, Lam yalid wa lam yulad, kalam farigh. Fanaudhu billahi min dhalik. Vous comprenez cela? Et Jésus lui-même ne connaît pas cela. Quant à la fête de la Saint-Sylvestre, d'abord il faudrait vous demander qui était Saint-Sylvestre. C'est le nom d'un homme, non? Saint-Sylvestre, qui était-il? Saint-Sylvestre est le 33e pape de l'Église catholique romaine. Saint-Sylvestre est le 33e pape de l'Église catholique romaine. Pourquoi lui a-t-on dédié la journée du 31 décembre au 1er janvier? Pourquoi? D'abord, lui-même, il est né le 31 décembre. Il est né le 31 décembre. C'est pourquoi on a choisi cette date. Mais la principale raison pour laquelle on lui a, c'est-à-dire, attribué cette journée, c'est que le pape Saint-Sylvestre, hein, est celui qui avait pesé de tout son poids pour que la divinité de Jésus-Christ soit imposée au monde au concile de Nicée en l'an 325 de notre ère. C'est-à-dire, il y a eu un débat autour de la divinité de Jésus entre les chrétiens. Il y avait un prêtre égyptien qui s'appelait Arius d'Alexandrie. Ces prêtres ne croyaient pas à la divinité de Jésus-Christ. Maintenant, le pape Sylvestre Ier, il a délégué deux prêtres qui sont partis, qui l'ont représenté dans ces conciles. Et lui, il était de mèche avec l'empereur Constantin, parce que Constantin à l'époque était en position de faiblesse. Il y avait son rival qui était très fort. Maintenant, pour avoir l'aide de l'Église, l'Église lui a promis son aide en échange que Constantin puisse permettre à l'Église de triompher au concile de Nicée. C'est-à-dire que Constantin puisse faire que la divinité de Jésus-Christ, qui était prônée par l'Église catholique, soit imposée au monde et l'Église lui apportera son soutien pour qu'il détruise son adversaire. Vous comprenez? Donc, la divinité de Jésus-Christ a été imposée au concile de Nicée. Et qui avait présidé ce concile? Vous imaginez? Des questions religieuses, c'est un président de la République qui vient présider les séances. Est-ce que c'est normal? C'est-à-dire, le roi lui-même est dans la salle, l'empereur Constantin est dans la salle. Il préside les débats de religieux et lui ne connaît rien. Maintenant, quand le représentant du pape affirme que non, Jésus est Dieu, l'empereur dit oui. Il est Dieu. Arius dit non, il n'est pas Dieu. L'empereur dit non, ferme ta gueule, il est Dieu. Mais Constantin lui-même n'a jamais crié à la divinité de Jésus. Il a accepté cela pour des raisons politiques. Mais il a continué à porter sa bague de Dieu Soleil. Parce que c'est Constantin qui nous a imposé la journée du dimanche. La journée du dimanche. Les repos de dimanche. Il n'est pas biblique. C'est Constantin qui l'a imposé. C'est le jour où on adorait le Dieu soleil. C'est pourquoi le dimanche est appelé en anglais Sunday, le jour du soleil. Ce n'est pas Dieu qui l'a fixé, que ça, ni dans la Bible, moins encore dans le Coran. C'était le jour où on adorait le Dieu soleil. C'est pourquoi je vous dis que le dimanche est appelé en anglais Sunday. Sun, soleil, day, jour, c'est-à-dire le jour du Dieu soleil. Le jour où on adorait le Dieu soleil. Donc, l'empereur Constantin a imposé ce jour comme étant un jour de repos pour tout le monde, que vous le vouliez ou pas. Et l'église chrétienne a perpétué cette coutume-là, qui n'est pas biblique. Tous les jours de semaine que vous voyez là sont des jours de divinités païennes. Tous les jours, tous les noms de tous les jours de semaine, de la semaine, sont des noms de divinités païennes. Lundi, c'est le nom de la déesse Lune. Mardi, c'est le nom du dieu de la guerre, Mars. Mercredi, c'est le nom du dieu Mercure. Jeudi, c'est le nom du grand dieu dans la mythologie gréco-romaine qu'on appelle Zeus ou Jupiter. Vendredi, c'est le nom de la déesse Vénus. Samedi, c'est le nom du dieu Saturne. Et le dimanche, Dominos, c'est le jour du dieu Soleil. Il n'y a pas un seul nom qui est venu de Dieu. Ce sont des shirks qu'on impose au monde. Alors, bref. Donc, quiconque célèbre ou participe à la fête de la Saint-Sylvestre veut en réalité dire que lui est d'accord avec Saint-Sylvestre pour dire que Jésus-Christ est Dieu. Parce que cette journée lui a été dédiée en récompense des efforts que Sylvestre Ier avait fournis pour imposer la divinité de Jésus au concile de Nicée. C'est pourquoi cette journée lui a été dédiée. Donc, il y a un musulman qui participe à cela. Donc, c'est comme s'il dit, je suis d'accord avec Saint Sylvestre que Jésus-Christ est Dieu. Quand tu fêtes la Noël, tu veux en réalité dire, je suis d'accord que Dieu était effectivement venu sur la terre sous forme humaine. Il est né d'une femme à la personne de Marie. Tu as contredit le Coran. Et il y a certains frères, quand j'ai fait un exposé sur ce thème au Tchad, des frères m'ont demandé, mais si on a des amis et qu'on les raconte, on voudrait leur souhaiter bonne fête. Que doit-on faire? C'est un ami. Mais lui, il fête la Noël. Vous savez que c'est une fête de shirk. Faudra-t-il lui souhaiter bonne fête? Est-ce que peut-on encourager quelqu'un qui adore les idoles? Vous trouvez quelqu'un en train d'adorer une idole, vous lui dites, allez-y, courage, continuez à adorer. On peut lui dire ça? Et si on vous souhaitait aussi bonne fête, vous musulmans, comment allez-vous répondre? Le jour de la fête de Noël, vous avez appris que non, bon, c'est du shirk. Mais vous rencontrez un ami. Oui, il n'était pas là. Il vous dit, bonne fête, mon frère. Vous allez dire quoi? Merci, merci mon frère. C'est ça? Il y aura la réponse, Inch'Allah. Donc, bref, je disais donc qu'il y a un groupe de chrétiens qui affirme que Jésus est Dieu et en même temps fils de Dieu. Un autre groupe affirme, brièvement, je vais devoir me résumer à l'extrême parce que j'ai ouvert beaucoup de parenthèses. Donc, un second groupe affirme qu'il n'est pas Dieu, il serait plutôt fils de Dieu. Un troisième groupe dit, non, il est prophète et messager de Dieu comme Moïse et les autres, mais il est cependant supérieur à Moïse et aux autres parce qu'il est le fils unique de Dieu. Et cela au sens strict du terme. Parce qu'il y a des chrétiens qui ne croient pas que Jésus soit le fils de Dieu au sens strict du terme. Ils parlent du fils de la filiation de Jésus-Christ comme ayant un sens figuré. Ce n'est pas au sens propre. Alors, il y a un autre groupe de chrétiens qui croient que Jésus est tout. Il est Dieu, il est fils de Dieu, il est prophète. Il est un être humain, il est même un ange. Vous comprenez? Alors, toutes ces divergences sur la personne de Jésus-Christ chez les chrétiens nous montrent clairement que la pureté de la doctrine qu'il avait enseignée a déjà été dénaturée. Et le Christ lui-même nous a l'a prédit en disant que l'ennemi viendra se livrer dans les champs du blé. C'est-à-dire, Satan viendra à travers des personnes spirituellement faibles, facilement influençables par les forces invisibles des ténèbres, se livrer des faux enseignements dans les champs du blé de la pure doctrine enseignée par les messagers de Dieu. Et cela est arrivé. Cela est arrivé après que Jésus-Christ se soit passé, parce que la pureté de la doctrine qu'il avait enseignée a déjà été dénaturée. Mais malgré cette divergence, les chrétiens sont pourtant unanimes pour dire que l'humanité tout entière sera sauvée par qui? Par Jésus-Christ. Et notamment à travers la mort prétendue expiatoire de Jésus-Christ sur la croix. C'est-à-dire, nous devons accepter la mort de Jésus sur la croix pour avoir la vie éternelle. Donc, là, il nous appartiendra maintenant de savoir si Jésus-Christ a-t-il donné un tel enseignement ou pas. Donc, alors, les chrétiens aussi, comme vous l'avez vu, donc, si vous essayez de comparer la position juive, la position chrétienne, vous verrez, avec la position chrétienne, vous verrez que les juifs ont, ils ont dégradé Jésus. Est-ce que vous comprenez? Ils l'ont sous-estimé. Ils l'ont dégradé, ils l'ont déshonoré. Mais par contre, les juifs l'ont surestimé. Et plutôt, les chrétiens l'ont surestimé. Ils l'ont élevé jusqu'au niveau de la divinité. Ah, mais quelle est la position des musulmans? L'islam étant la religion du juste milieu, les musulmans ont une position réaliste. Les musulmans, eux, ils ont une position réaliste et une position du juste milieu. C'est-à-dire, pour nous, les musulmans, Jésus-Christ est un homme, est un être humain, mais seulement il n'est pas un être humain ordinaire. Il s'agit bien d'un messager de Dieu, d'un prophète de Dieu. C'est-à-dire, pour nous, les musulmans, Jésus-Christ est l'un de 124 000 prophètes que Dieu avait envoyés dans le monde dans le but de tirer les humains des ténèbres spirituelles vers la lumière parfaite. Vous savez que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, Dieu avait envoyé 124 000 prophètes, dont 313 messagers. Il y a eu 313 roussoul, et donc si vous divisez 124 000 divisé par 313, ça vous donnera peut-être... ça doit être combien là? Peut-être 100... calculatrice toujours? Faut pas, on ne peut pas faire pas la tête? Il y a 120, 100 quelques mille comme ça. Au-delà de 120 quelques mille comme ça. Il faut faire les calculs quoi. Donc, il y a 124 000 prophètes envoyés, mais dont 313 messagers. Et il y a une différence entre prophète et messager. Prophète en arabe, Nabi, et messager, Rasoul. En hébreu, Navi, et messager, Shalucha. C'est-à-dire, un messager est en même temps prophète, mais un prophète n'est pas un messager. C'est comme qui dirait, l'aigle est un oiseau, mais tout oiseau n'est pas l'aigle. Vous avez compris? L'aigle est un oiseau, mais tout oiseau n'est pas l'aigle. Donc, un Rasoul est un prophète, mais tout prophète n'est pas un Rasoul. Est-ce que vous comprenez? Alors, donc, Jésus-Christ, je vous rappelle que pour les Juifs, Dieu avait envoyé 1 200 000 prophètes dans le monde. Mais seulement, mais uniquement vers les enfants d'Israël. Vous m'avez compris? C'est-à-dire, pour les Juifs, Dieu avait envoyé 1 200 000 prophètes uniquement vers les enfants d'Israël. Aucune nation n'a reçu de prophètes, si ce n'est les Juifs. C'est ce qu'affirment les Juifs. Et ils disent, il y a eu 600 prophètes hommes et 600 prophétesses. Ça ne se trouve pas dans la Bible, mais ça se trouve dans les livres des savants juifs. Donc il y a 600 000 hommes et 600 000 femmes. Mais il n'y a jamais eu de prophètes femmes. Parce que même le Coran nous dit « وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلْ أَهْلَ ذِكْرٍ كُمْ تُمْ لَا تَعْلَمُونَ » Nous n'avons envoyé avant toi que des hommes à qui nous avons révélé la parole de Dieu. Demande à ceux qui savent si vous ne le savez pas. Donc ces affirmations gratuites des juifs ne sont pas fondées. C'est-à-dire, elles ne sont même pas justifiées dans la Bible, quoi. Ce sont des ijtihad des savants juifs, mais qui sont des ijtihad batila. Mais ça vous comprenez. Mais il y a une petite différence entre nous et les juifs et les chrétiens. Parce que les juifs pensent, comme je l'ai dit tantôt, que Dieu n'a envoyé des prophètes qu'aux enfants d'Israël. Et il a laissé toutes les autres nations dans l'égarement. Et les chrétiens sont du même avis que les juifs pour dire Dieu n'a envoyé des prophètes qu'aux enfants d'Israël et il a laissé les autres nations dans l'égarement. Mais ils ajoutent en disant, c'est seulement lorsque Jésus vint que la porte pour le salut, du salut pour les autres nations, fut ouverte. À ce moment-là, donc si les Maliens croyaient en Jésus-Christ ou les Congolais croyaient en Jésus-Christ, maintenant ils seront sauvés. C'est seulement lorsque Jésus vint que cette porte fut ouverte. Alors le Coran dit non. Pour le Coran, Dieu a envoyé des prophètes à chaque nation avant même l'avènement de Jésus et de Muhammad. Dieu dit Wali kulli qawmin hadi. À chaque peuple, nous avons envoyé un guide, un prophète, pour lui montrer la voie droite. Et dans la sourate 16, verset 36 du Saint-Coran, Dieu dit: وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ يَعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ.